Cette main qui serre fort la mienne vaut tous les trésors auxquels on s'enchaîne. Nous n'avons pas grand chose. Tous les trésors auxquels on s'enchaîne.